بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى pour le bienfait de l'islam et pour le bienfait de la sunna et pour le bienfait de la voie des nobles compagnons d'Allah alayhim et de ceux qui les suivent à la perfection. Et c'est notre 12e assise inshallah autour de de cette série de rappels concernant les règles et sagesses du jeûne. هذا مجلسنا الثاني عشر إن شاء الله حول موضوع حكم وأحكام الصيام. فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمر معنا في الجلسة الماضية صنفان من أصناف الصائمين الذين يجوز لهم الفطر وعليهم القضاء، وهم المرضى والمسافرون. Nous avons vu lors de la dernière assise deux catégories de jeûneurs qui ont le droit de ne pas jeûner et qui doivent le rattraper après le mois de Ramadan, qui sont les malades ainsi que les voyageurs. وكما أن الإسلام كذلك الإسلام رخص للذين لا يستطيعون تحمل الصيام، وهذا صنف آخر. الإسلام رخص للذين لا يستطيعون الصيام ولا يتحملونه لضعفهم وكبر سنهم كالشيخ الهرم والمرأة العجوز وكذا المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا يطيق معه الصيام ولا يرجى شفاؤه في حدود الأسباب التي يسرها الله كمرض السرطان والفشل الكلوي ونحو ذلك، عافانا الله وإياكم من كل ذلك. لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا لبقائهم تحت قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يتحملونه بمشقة، عليهم الصيام شق، ماذا عليهم؟ عليهم إطعام مسكين كل يوم. إذنك l'islam aussi a autorisé à ceux qui ne peuvent pas et qui ne supportent pas le jeûne, parce qu'ils sont d'un certain âge, très vieux, malade, la femme d'un certain âge, l'homme d'un certain âge, le malade dont la maladie est chronique, qui ne peut pas avec jeûner, c'est impossible qu'il puisse jeûner sans que sa situation ne s'aggrave, et dont il n'y a pas espoir qu'il soit guéri selon les moyens connus par la médecine d'aujourd'hui, comme certains cancers, comme ceux qui subissent les dialyses, hein, et autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce genre de maladie. Ceux-là, ils ont droit de ne pas jeûner. Et ceux-là, ils vont tout simplement compenser. Chaque jour qu'ils n'auront pas jeûné, ils vont nourrir un mendiant, comme il est stipulé clairement dans le verset où il est dit quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté. Donc ce verset les concerne, ceux qui ne le peuvent supporter qu'avec grande difficulté, ça concerne les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques. فهؤلاء هذا الصنف يبقى تحت قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما فسرته الآثار ثابتة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وقع لأحدهم رضي الله عنه وارضاه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، ضعف عن الصوم عاما أنه عمر رضي الله عنه وارضاه، فضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة تريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، رواه الدارقطني وهو بسند صحيح. فأن نتأمل هذا الأثر لمن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلهم لنا قدوة، وأوجب علينا سلوك طريقهم، وأوجب علينا أن نأخذ هذا الدين بفهمهم كتابا وسنة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسيرون على نعشهم. فإن الله سبحانه وتعالى دونك سي كاتيغوري كون فيان دو سيتي ريستورون توجور كونسيرني بار سو فيرسي dont la traduction approximative nous dit « Ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec difficulté devront assumer la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. » Ce verset a été mis en application par certains nobles compagnons, notamment Anas, radiyallahu anhu arda, Anas ibn Malik, qui était au service du prophète alayhi salam pendant 10 ans, radiyallahu anhu arda. Et Anas a atteint un certain âge. Une année, il était faible, il ne pouvait pas jeûner. Et il a fait un grand plat. Un grand plat de trid. Trid, c'est du pain avec le bouillon de poulet ou de viande. Et certaines choses, même la viande avec, et il versait dessus. Et donc, il a fait un grand plat. Et il a réuni 30 mendiants pour le mois de Ramadan qu'il n'a pas jeûné. Et ils ont été rassasiés. Ils ont eu leur repas. Donc 30 mendiants d'un seul coup pour 30 jours. Le hadith, il est rapporté par Dharqutni avec une chaîne de transmission authentique. Maintenant, ce qui doit attirer notre attention, et ce que nous devons méditer, c'est l'acte. Il a mis en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala a élu pour être les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que leur voie est une voie obligatoire à prendre. Que la compréhension du livre et de la sunna doit passer par leur compréhension, il est obligatoire. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi eux. Et regarde ce qu'il a fait أنس رضي الله عنه وارضاه. فأنس عندما عمر ولقد عاش إلى سنة 93 للهجرة، وعندما قدمت به أمه وقدمته إلى رسول الله كان عمره رضي الله عنه وارضاه 10 سنوات. فهذا يدلك أنه عاش 100 سنة وثلاث سنوات أو أكثر. وضعف في سنة من السنين، أطعم عن إفطاره وعن عدم صومه لرمضان 30 مسكينا. وهذه ترجمة عملية لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كلنا يعرف، من من المسلمين لا يعرف أن أنس رضي الله عنه وارضاه من خيرة الصحابة ومن خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر وتأمل ماذا فعل، وهذا تطبيق وتفسير للآية. هنا الله سبحانه وتعالى أنس كنت إلى أتان سيختناج أنس الفوصفوار كنت البروفيت عليه الصلاة والسلام تغيبي أميدين وصمير لابخزنتي بوكي سوى السيرويس دي البروفيت عليه الصلاة والسلام إلى في ديزون وان بو بلوس. أنس يمور ان 93 دي لجير سابو دير qu'il a vécu plus de 103 ans. Et à un moment donné de sa vie, il a été faible. Et quand il est devenu faible, il a réuni 30 mendiants et il les a nourris pour le mois de Ramadan qu'il n'a pas jeûné. Et ça, c'est une traduction, une explication, une traduction en acte du verset. Et c'est aussi une explication de l'acte. Ah, c'est une explication de ce qui est demandé dans le verset. Il l'a expliqué par son acte. Hein? Et ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté ont à nourrir pour chaque jour qu'ils n'ont pas jeûné. Un mendiant, regarde le noble compagnon ce qu'il a fait. Hein? Il a directement mis en application ce qui est demandé dans le verset. Wa huna fa'ida. Wa yajibu an nata'ammala fiha. أنه لا يلزم كل يوم إطعام مسكين وأنه وأن له أن يجمع 30 مسكينا ويطعمهم وجبة واحدة تشبعهم وهذا الأثر عن أنس رضي الله عنه وارضاه يورده العلماء للاستئناس وإلا فالآية كافية واضحة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لكن تأمل عمل هذا الصحابي الجليل وكان ذو مال كان ذو مال رضي الله عنه وارضاه لكنه لم يدفع الثمن حتى لا تغتر بمن يقول لك اليوم ادفع ثمن الوجبة 7 أورو أو 5 أورو أو أقل أو أكثر فأنس ترجم قول الله عز وجل عملا بالإتيان بما طلب منه ولم يبدل ولم يغير وهكذا يجب على المسلم أن يكون وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه أن يبدل وهو من الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رضي الله عنهم وارضاهم ولذلك اختارهم الله لكي يكونوا وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم وأكرمهم بالعزة سبحانه وتعالى وبالتمكين في الأرض رضي الله عنهم وارضاهم دونك Anas radiyallahu anhu, ici, dans l'acte de Anas radiyallahu anhu arda, il y a un point essentiel à retenir. C'est que, il n'est pas obligé que tu ne restes chaque jour un mendiant. Tu peux les réunir une fois à la fin du mois de Ramadan, les 29 jours ou les 29 ou les 30 jours, tu réunis les 29 ou 30 mendiants, tu les réunis une fois. Comme tu as le droit de donner chaque jour, ou 5 jours passent, tu donnes la nourriture, et ainsi de suite. Donc tu as ici, la situation, elle est large. Hein? Et cet acte de Anas radiallahu anhu arda, les hommes de science, ils le ramènent pour se familiariser avec cette compensation. Sinon, le verset, il est clair. Il n'y a aucune ambiguïté sur le verset. Hein? Ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté devront assumer la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne qu'ils n'ont pas observé. Le verset, il est clair. Mais les hommes de science ramènent cet attard de Anas pour te montrer et te donner que les meilleurs de cette communauté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, et eux, ils ont agréé ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve, était ainsi. Ils se soumettaient à Allah subhanahu wa ta'ala comme il le veut Allah subhanahu wa ta'ala, et ils mettaient en application ce que veut de Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, et aussi, tu dois méditer la situation de ce noble compagnon. Il faisait parmi les fortunés à la fin de sa vie des nobles compagnons. C'est pas qu'il n'avait pas d'argent. Il était fortuné, radiyallahu anhu arda. Mais il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas donné l'argent. Et l'argent existait à leur époque. Hein? Et certainement leur argent est mieux que le nôtre. Il était en minerai très précieux, soit en or, soit en argent. Hein? Contrairement au nickel qu'on a maintenant. Hein? Enfin, il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas mis sa raison. Il n'a rien changé de ce qui lui a été demandé. Et il a amené l'acte comme il lui a été demandé. Et c'est ce qui nous est demandé. On ne doit pas immiscer notre raison et faire comme nous on veut, ou comme ça nous dicte nos passions, ou comme certains leaders de parti veulent nous orienter vers des choses que les compagnons n'ont pas fait, etc. Hein? C'est pour ça que, radiyallahu anhu arda, il fait partie du site élite de la communauté qui est concerné par cette description que Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Il est parmi les croyants des hommes qui ont tenu loyalement leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont déjà accompli leur destin. Hein? Et ils rentrent, radiyallahu anhu arda, dans cette catégorie de la communauté qui a tenu loyalement son engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont rien changé de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur voie nous est obligatoire. Nous devons les suivre. Et nous ne devons pas ramener notre raison, hein, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأهل العلم يقولون يجب على المسلم أن يأتي بالجنس المطلوب منه وهنا ربنا ذكر الطعام ولم يذكر النقود وفي مكان آخر طلب العتق وهذا ليس من باب المصادفة وهذه عبادات لا مجال للعقل فيها ولا يأتيك يقول لك اليوم ها المسكين لا يريد الطعام فإذا كان لا يريد الطعام فهو ليس بمسكين نقول له جزاك الله خيرا بينت لنا حالك بأنك لست بمسكين ها؟ Donc ici les savants disent que concernant les adorations nous devons ramener les catégories ou les familles, l'espèce qui est demandée. Il y a une espèce qui est demandée dans l'acte d'adoration, c'est celle-là que nous devons ramener et nous ne devons pas la changer ni lui trouver une alternative. Ce qui a été demandé ici dans le verset, c'est la nourriture. Dans un autre endroit, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé le fait de libérer un esclave. Et ceci, c'est pas des coïncidences. Ceci, c'est la perfection de la législation d'Allah, azza wa jal. Ceci, ce sont des actes d'adoration qui doivent être accomplis comme l'a décrété Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre raison n'a pas à s'immiscer dedans. Si on connaît pas, on connaît la sagesse de l'ordre, c'est un bienfait. Si on le connaît pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une sagesse, il y a un but, il y a un objectif derrière. Abadan. Mais ils l'ont compris ceux qui l'ont compris, et certains sont pas passés à côté de sa compréhension. فوجب علينا أن نعمل بما أوجب الله علينا فربنا قال فدية طعام مسكين فيجب أن تكون كذلك لا نزيد ولا ننقص ولا نغير ولا نقول نحن في أوروبا أو في أمريكا ولا وجود للمساكن اذهب هذا الذي تقوله خطأ عندك وخطأ في التصور فالفقر أمر نسبي من بلاد إلى بلاد ومن قارة إلى قارة فاذهب إلى مصليات السكن الجامعي في المدن فستجد من إخوانك من هم بحاجة إلى الفدية المطلوبة وانظر إلى حال اللاجئين المسلمين والذين هاجروا هجرة غير شرعية وتكون إعانة لهم وتعظهم على أن يرجعوا إلى بلادهم لأن واجب علينا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين عندما لا يتمكن المسلم أن يقيم شعائر دينه وشعائر دين الله ولكم أن تنظروا كيف الأمر في مثل هذه البلدان صلى الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإياكم منها سالمين غانمين Donc, il est obligatoire qu'on mette en application, il est obligatoire pour nous qu'on mette en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Dans le verset, il est dit, une compensation, compenser sa journée, du jeûne, on aurait son mendiant. Donc nous devons nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne devons rien rajouter à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni diminuer quoi que ce soit dans la religion d'Allah azza wa jalla. Et nous ne devons rien changer. Et qu'on ne vient pas, Shaitan ne vient pas jouer avec nous. On est en Europe, on est aux États-Unis, il n'y a pas de pauvres. Cherche aux côtés de toi, tu verras. La pauvreté est quelque chose de relatif, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Va aux salles de prière du campus des universités, tu verras tes frères en islam qui sont dans la nécessité. Hein? Et ils ont besoin que tu leur apportes cette nourriture. Regarde les réfugiés musulmans de différentes nationalités, la même chose. Et regarde ceux qui ont fait une hijra qui n'est pas légiférée, c'est-à-dire les clandestins, parmi les maghrébins, les musulmans, etc. Et cela, ça peut être une occasion de leur faire la leçon. Tu leur ramènes la nourriture et en même temps, tu les exhortes à retourner de là où ils sont venus. Parce que la hijra vers d'un pays de l'islam, vers Blad al-Kufr, n'est pas permise. C'est le contraire qu'on nous devons faire. Et quand on traverse la Méditerranée ou ailleurs pour venir ici, on n'a pas fait de hijra. L'hijra, c'est un acte d'adoration. On s'est mis dans la position d'étranger. Hein? On s'est mis dans la situation d'étranger. D'où cette appellation de dire des gens qui viennent des pays de l'islam, qui viennent s'installer dans les pays de le Kufr, que ce sont des muhajirines, ceci est faux. C'est faux, c'est la situation. Car la hijra est un acte d'adoration. La hijra a trois formes. Le fait de quitter le pays de mécréance vers le pays de l'islam. Le fait de quitter un pays dans lequel il y a l'innovation vers un pays où il y a moins d'innovation. Le fait de quitter un lieu de la débauche vers un lieu où il y a moins de débauche. Hada, c'est la hijra. Amma, traverser la Méditerranée pour venir en Europe, ça c'est comme il a dit Cheikh Abdel Mohsin Labbad, ça c'est l'immigration des oiseaux. Pourquoi les oiseaux ils font l'immigration? Parce que là où ils étaient, il n'y a pas à manger. Hein? Que ça soit clair, les mots ont leur signification et leur importance dans la religion d'Allah Azza wa Jal. فَهَذَا الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلِ لَمَّا ضَعُفَ وَلَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمِ مَاذَا فَعَلْ دَفَعَ التَّمَنْ أَبَدًا بَلْ أَطْعَمَ الطَّعَامِ أَيُعْقَلْ أَنْ نَكُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْسَنْ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ مهما بلغت دراستنا مهما بلغ علمنا ها أيعقل أن نكون أفهم منهم وأحسن منهم وهم الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق القائل إذ قال والخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف إيه Ce noble compagnon, radiyallahu anhu wa arda, quand il est devenu faible, hein, il n'a pas pu jeûner. Sa santé ne lui a pas permis, son âge. Il a donné de l'argent. Il était capable de donner de l'argent. Mais abadan, il a nourri. Maintenant, est-il pensable que nous, à notre époque, nous soyons mieux que les nobles compagnons, radiyallahu alayhim? Dans la compréhension, dans leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la compréhension de la religion d'Allah, que nous ayons les doctorats que nous avons eu. Peu importe le degré de science à qui on arrive, jamais on arriverait à la valeur ou à la poussière qui tombe des pieds d'un noble compagnon d'Allah alayhi. Ni à leurs actes, ni à leur compréhension. C'est pour ça qu'il est obligatoire de prendre la religion avec leur compréhension et selon leur voie. Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges dans le Coran, qui se lira jusqu'à la fin des temps. Et il a fait obligatoire que leur chemin, nous devons le prendre. Hein? Et c'est pour ça que l'un a dit, et quelle belle parole qu'il a dite, le bien est tout le bien. et dans la voie de ceux qui nous ont précédés. Et le mal et tout le mal est dans l'innovation de ceux qui leur ont succédé. Hein? Donc nous devons faire très attention à ça. ولعل شبهة تأتي أحدا بمقارنة آية كفارة الأيمان التي فيها إطعام عشرة مساكين. هذه الآية نصت على عشرة مساكين، أي ما تأخذ مسكين وتعطيه طعام عشرة أيام، عشرة طعام عشرة، تقول هذا طعام، لا، هذه الآية في الكفارة عشرة مساكين. ولا يجوز إطعام مسكين عشرة مرات في هذه الكفارة كما قال العلماء. وفي آية الصيام لم يقل إطعام 30 مسكينا، ها؟ وفيما يخص الكفارات يقول العلماء إذا كان عليك كفارات كثيرة جاز لك في هذه الحالة إطعام نفس العشرة بعدد الكفارات التي عليك. فآية الصيام جاء فيها إطعام مسكين، فدية إطعام مسكين. لو أفطرت لا ولك وعليك أن تطعم مسكينا، فلك أن تطعم نفس المسكين. فإذا كان بجوارك فقير وأنت تفطر وتفدي لجاز لك أن تطعمه لكل يوم وجبة، لأن الآية صريحة إطعام مسكين. ها؟ فإن الله سبحانه وتعالى qu'il n'y ait pas de confusion dans notre esprit et qu'on n'ait pas d'ambiguïté en faisant la comparaison entre l'expiation des serments qu'on fait. Serment qu'on fait et qu'on ne tient pas. Il a une expiation. Et si j'emploie bien le terme expiation, parce que ça, c'est pour expier quelque chose de mauvais. Et là-bas, c'est une compensation. Parce que là, le malade, dont la maladie est chronique, et le vieillard qui ne peut pas jeûner, il n'a rien fait de mal. Il compense tout simplement ce qu'il n'a pas pu faire. Alors que l'autre, il a une kafara, et la kafara, c'est pour expier quelque chose, une désobéissance que nous avons fait. Hein? Et donc, dans l'expiation du serment qu'on ne tient pas, il y a le fait de nourrir 10 pauvres. Il a désigné bien 10 pauvres, il a dit 10 pauvres. Hein? Le verset, il est clair, il a désigné 10 pauvres. Et ici, les hommes de science disent, il n'est pas permis de prendre un pauvre et de le nourrir 10 fois. Ici, dans le verset du jeûne, il n'a pas dit 30 pauvres ou 29 pauvres. Il a dit, désigné tout simplement, pour chaque jour un pauvre. Hein? Les hommes de science disent, si maintenant tu as plusieurs expiations, tu peux nourrir les 10, les mêmes 10, tu peux leur donner ton expiation. Selon le nombre d'expiations que tu dois, desquelles tu dois t'en acquitter. Mais dans le verset du jeûne, il est dit, nourrir un pauvre. Prends par exemple, si tu fais partie de ceux qui ne peuvent pas jeûner et qui doivent compenser. Tu dois nourrir un pauvre. Maintenant, si à côté de chez toi, il y a un pauvre, et toi, tu n'as pas jeûné ta journée, donc tu vas le nourrir lui. Hein, la nourriture d'un jour, tu lui donnes. Le lendemain, tu peux faire la même chose. Le surlendemain, la même chose jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Ça, il t'est permis de le faire. Hein? Car le verset ici, il est clair. La nourriture d'un pauvre. Et il n'a pas dit 30, ou il n'a pas dit 10, et il n'a pas dit 10 comme le dans le verset de l'expiation. « Wa min yusri hadha ad-din anna al-hamil » والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا لبقائهما تحت عموم حكم الآية السابقة بعد نسخها في حق المطيقين للصيام ولا قضاء عليها. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول ابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. Et parmi les anges et la facilité dans cette religion, la femme enceinte et celle qui allait quand ils ont peur pour elles-mêmes ou pour leur nourrisson, pour leur enfant, ils rompent le jeûne, ils ne jeûnent pas. Et ils donnent la compensation à la nourriture d'un pauvre par jour non jeûné. Parce qu'ils sont concernés par le verset, et ceux qui le peuvent qu'avec difficulté, ceux qui ne le peuvent qu'avec difficulté, elles-mêmes, les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent, rentrent dans ce verset, ils sont concernés parmi ceux qui ne le peuvent pas. Si le verset a été abrogé pour ceux qui peuvent jeûner, et qu'à l'époque des compagnons du prophète, ceux qui peuvent jeûner, avaient même le droit de ne pas jeûner et de payer un pauvre et de nourrir un pauvre. Pour eux, ça a été abrogé complètement. Et l'autorisation est restée pour les personnes âgées, pour les malades chroniques, pour les femmes enceintes et pour les femmes qui allaitent. قال عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Et ceux qui ne le peuvent supporter qu'avec grande difficulté devront assumer la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. مر معنا نوعان ممن يباح لهما الفطر مع القضاء المسافر والمريض ونوع يفطر ولا قضاء عليه وإنما يجب عليه الفدية وهما المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه والشيخ العجوز والآن مع حكم الحامل والمرضع ولم ينص عليهما في كتاب الله كما لم ينص على الشيخ والعجوز. وهنا نتكلم عن الفدية ولا نتكلم عن الكفارة. الفدية هي بديل عن فعل لا يقدر الإنسان أن يفعله، والكفارة هذا في مقابل معصية عصاها الإنسان، فلا بد أن نفرق بين الكفارة وبين الفدية. الله سبحانه وتعالى nous avons vu deux catégories à qui Allah سبحانه وتعالى a permis de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan, et de le rattraper, qui sont le voyageur et le malade dont la maladie va être guérie. Et une deuxième catégorie qui ont le droit de ne pas jeûner et qui n'ont pas à le rattraper, hein, mais ils ont une compensation à faire, qui sont les malades de maladies chroniques et les personnes d'un certain âge. Et maintenant, nous allons voir la sentence et le jugement de la femme qui allait et de la femme qui est enceinte. Il est dû que ce soit les personnes âgées ou la femme enceinte et la femme qui allait n'ont pas été désignées dans le verset. فَإِذَا خَافَتِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِ عَلَى نَفْسَيْهِمَا وَوَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَوَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ أن هذه الآية مخصوصة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يشفى والحامل والمرضع إذا خافت على نفسهما أو ولديهما. صرح ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البيهقي وأبو داود وسنده صحيح، رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، وتبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبلى إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. Donc, la femme qui est enceinte et la femme qui allait quand ils ont peur pour leur enfant ou pour elles-mêmes. Ils ont à rompre le jeûne et à nourrir pour chaque jour un mendiant. Où est le point de l'argumentation ici? Comme quoi ce verset concerne les personnes âgées ainsi que les malades qui ont des maladies chroniques et celles qui allaitent et celles qui sont enceintes. Nous avons la parole d'Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, qui est rapportée par le Bayhaqi rahimahullah, par Abu Daoud. La chaîne de transmission est une chaîne fiable. Il a dit, il a été autorisé à la personne âgée, l'homme ou femme, s'ils avaient la possibilité, s'ils avaient la capacité de jeûner, au début du jeûne, de jeûner, s'ils le voulaient. Et s'il ne jeûnait pas, il pouvait payer la il pouvait donner la nourriture comme compensation. Et ils n'ont rien à rattraper. Ceci a été abrogé par le verset, et celui qui est présent durant le mois de Ramadan, c'est-à-dire il n'est pas en voyage, il n'est pas malade, qu'il le jeûne. Il a été abrogé pour qui? Pour tous ceux qui le peuvent. Hein? Et qui n'ont pas de gêne, et qui ne sont pas malades, qui ne sont pas en voyage, qui n'ont pas de maladie. Cela a été abrogé pour eux, et le jeûne est devenu obligatoire pour eux. Mais cette abrogation, il n'y a pas eu d'abrogation pour les personnes âgées, et pour ceux qui ont des maladies chroniques, et pour tous ceux qui ne peuvent pas jeûner, qui le jeûne va aggraver leur situation. Et aussi rentre dedans, comme dans les attar qui vont venir d'Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar, la femme enceinte et la femme qui allait, hein, quand ils ont peur, soit pour leur enfant, soit pour elles-mêmes. Donc, quand ils ne jeûnent pas, ils nourrissent pour chaque jour un mendiant. وَلِكَيْ نَفَهَمَ الْأَمْرَ جَيِّدًا نَرْجِعْ إِلَى الْمَرَاحِلِ الَّتِي مَرَّ بِهَا تشريع الصيام كان فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 سنوات 9 رمضانات. Donc pour mieux comprendre ce point, on revient aux étapes de la législation et de la légifération du jeûne. L'obligation du jeûne a été instaurée en l'an 2 de l'Hégire. Le messager alayhi salatu wassalam est mort après avoir jeûné 9 jeûnes, c'est-à-dire 9 années. فَالشَّارِعُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي تَشْرِيعِ الصَّوْمِ تَدَرَّجَ بِالنَّاسِ إِذْ كَانَ الْعَرَبُ قَوْمًا لم يتعودوا الصيام ولما كان فطر النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد وعلى الاستسلام لله وعلى الصلاة وألفت القرآن وألفت أوامر القرآن وألفت نواهي القرآن وألفت السنة وألفت أوامر السنة ونواهي السنة جاء تشريعه. Et donc, le législateur subhanahu wa ta'ala qui fait les choses à la perfection concernant la législation du jeûne, vu que les Arabes n'avaient pas l'habitude de jeûner et que sevraient les âmes de choses sur lesquelles ils ont l'habitude et qu'ils aiment, leurs envies, leurs désirs, ceci a été difficile, c'est quelque chose de difficile. C'est pour ça que l'obligation du jeûne a été faite une fois que ses nobles compagnons se sont familiarisés avec le monothéisme, se sont soumis comme il se doit à Allah subhanahu wa ta'ala, ont eu l'habitude des ordres d'Allah dans le Coran et de ses interdits, ainsi que des ordres du messager alayhi salam dans sa sunna et aussi ses interdits. À ce moment-là est arrivée l'obligation du Coran. Une fois qu'ils se sont soumis comme il se doit à Allah subhanahu wa ta'ala, فنقلت بالتدريج نقل الصحب الكرام إلى الصيام بالتدريج ومر الصيام بثلاثة أحوال هي كالتالي صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عاشوراء ثانيا صيام رمضان على التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ولو كان قادرا ثالثا تبوت صيام رمضان على كل من شهد الشهر دون تخيير وعلى المسافر والمريض أن يقضي ما أفطر وثبت الإطعام للشيخ الكبير والعجوز وكذا المريض المزمن الذي لا يرجى برؤه والحامل والمرضع إذا خشيتا على نفسيهما ورضيعهما donc ainsi la communauté a été amenée aux jeunes étape par étape. Et le jeûne est passé par trois étapes. La première étape, de jeûner trois jours, est le jour de Ashura. La deuxième étape, le jeûne du mois de Ramadan, l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, mais ils avaient le choix, même s'ils avaient la santé, ils avaient le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Et ceux qui ne jeûnaient pas, compensaient par la nourriture d'un mendiant. Troisième, la confirmation de l'obligation du mois de Ramadan pour tout un chacun qui est présent durant l'apparition de du croissant lunaire du mois de Ramadan. Sans donner le choix cette fois-ci, il est obligatoire. Sans que personne ait le choix. L'exception a été faite pour les voyageurs et les malades qui ont eu l'autorisation de ne pas jeûner, de rattraper plus tard après le mois de Ramadan. Et compenser le jeûne par la nourriture a été toujours confirmé. Il n'a pas été abrogé concernant les personnes d'un certain âge qui ne peuvent pas jeûner et les malades dont la maladie, il n'y a pas espoir qu'ils guérissent et aussi les femmes qui allaitent et les femmes qui sont enceintes quand ils ont peur pour elles-mêmes et pour leur enfant. فآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخة في حق الذين يطيقون الصيام ويستطيعونه وتابتة في حق كبار السن والمرضى الذين لا يرجى برؤهم والحامل والمرضع التي تخشى على نفسها وعلى ولدها Donc le verset et ceux qui ne le peuvent qu'avec difficulté ont à compenser une nourriture d'un mendiant par jour, est abrogé concernant tous ceux qui peuvent jeûner et qui ont la capacité de jeûner. Mais ce verset est resté non abrogé pour les personnes âgées, pour les malades qui ont des maladies chroniques, la femme enceinte et la femme qui allaite quand ils ont peur pour elles-mêmes et pour eux, ou pour leurs enfants. جاء في حديث عبد الله بن عمر وسلم بن الأكوع ومن هو عبد الله بن عمر في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو مثال في قمة الاتباع رضي الله عنه وارضاه. جاء في حديث عبد الله بن عمر وسلم بن الأكوع رضي الله عنهما أن الآية منسوخة لكن ثبت عن ابن عباس أنها غير منسوخة في الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام فلهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا وهنا قال العلماء أن الآية لم تنسخ على عمومها وأنها ثابتة في حق من لا يستطيع الصيام ككبار السن والمرضى الذين لا يرجى برؤهم والحبلى والمرضع الخائفتين على نفسهما ولديهما Et donc, Il a été rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Omar et Salam ibn al-Akwa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et qu'on sache qu'Abdullah ibn Omar est un modèle dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Est un des grands modèles dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Omar, ainsi que Salam ibn al-Akwa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce verset est abrogé. Ceux qui ne le peuvent qu'avec difficulté. Mais il a été confirmé dans Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, qu'il n'est pas abrogé concernant les personnes âgées, les femmes âgées et tous ceux qui ne peuvent pas jeûner, hein, et dont les maladies sont chroniques et qui ne peuvent pas jeûner, ils ont à compenser par une nourriture d'un mendiant. Partant de là, les savants ont dit que le verset n'a pas été abrogé dans sa totalité. Mais il y a une partie qui reste confirmée pour les personnes âgées et tous ceux qui ne peuvent pas jeûner et ceux qui ont des maladies chroniques et ainsi de suite, ainsi que les femmes qui allaitent et qui sont enceintes. ولكي نفهم هذه القضية قضية النسخ يجب أن نرجع إلى آية الصيام وفرضية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون فلما لرمضان من فضائل فرضه الله سبحانه وتعالى للمسلمين ولما كان فطم النفس عن شهواتها وحجبها عن مألوفاتها من أصعب الأمور تأخر فرضه إلى السنة الثانية من الهجرة ولما توطنت النفوس والقلوب على التوحيد وتعظيم شعائر الله وتعظيم السنة والاتباع نقلت إليه بالتدريج فبدأ على التخيير مع الترغيب في صومه لأنه قد شق على بعض الصحب الكرام رضوان الله عنه فكان من أراد أن يفطر ويبتدي فعل قال الرؤوف بعباده سبحانه وتعالى الخبير بأحوالهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ثم نزلت الآية بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم فنسختها أخبر بهذا الصحابيان الجليلان عبد الله بن عمر وسلم بن الأكوع رضي الله عنهما أخرج حديث بن عمر رضي الله عنهما البخاري رحمه الله وأخرج حديث سلمة البخاري ومسلم رحمهم الله فقال نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وعن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم عن كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه أي ممن يستطيعه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خيرا لكم فأمروا بالصيام علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى Et donc, pour mieux comprendre ce sujet de l'abrogation du verset, on va revenir à au verset de l'obligation du jeûne. Il est dit dans le verset, Ou vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, ainsi qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Ainsi vous allez atteindre taqwa, un nombre de jours bien précis. Quant à celui qui est malade ou celui qui est en voyage, s'il ne jeûne pas, il doit rattraper un certain nombre de jours égal au jour qu'il n'a pas jeûné. Et ceux qui le peuvent, et là, ça a deux significations avant l'abrogation. Ceux qui le peuvent, hein, et ceux qui ne le peuvent qu'avec difficulté. Les deux rentrent dedans maintenant, hein, pour bien comprendre l'abrogation. Et ceux qui le peuvent, soit qui le peuvent qu'avec difficulté, ou soit qui le peuvent, ils ont à compenser de la nourriture pour un jour qu'ils n'ont pas jeûné. Mais celui à qui jeûne est mieux pour lui, et il est venu après, et que vous jeûniez, c'est mieux pour vous, si vous savez. Comme Ramadan a beaucoup de mérite, Allah subhanahu wa ta'ala, sa légifération a été retardée. Hein? Et comme le fait de sevrer la personne de ce qu'il aime, de ses désirs, etc., est très difficile, parmi les choses qui sont très difficiles, donc il n'a été légiféré que la deuxième année de l'hégire. Mais une fois que le monothéisme s'est établi dans le cœur des nobles compagnons, et que l'amour de la sunna et l'amour de la religion, et l'amour de la parole d'Allah, des ordres d'Allah et de ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala, s'est installé dans le cœur, hein, il y a eu l'obligation. Qui passait, bien sûr, par les trois étapes que nous avons vues, d'abord par le choix et par l'incitation aux jeunes, comme ça a été difficile pour eux, et après il y a eu celui qui est le clément, subhanahu wa ta'ala, et qui sait ce qui est mieux pour ses serviteurs, a abrogé tout ça, et il a fait que l'obligation du jeûne. Et il est venu le verset, et ceux qui le peuvent qu'avec difficulté. Cette fois, le verset, les hommes de science vont lui donner que cette signification, et ceux qui le peuvent qu'avec difficulté, ils n'ont qu'à compenser pour chaque jour qu'ils n'ont pas jeûné la nourriture d'un mendiant. Hein? Et les autres, et après il y a eu la descente du verset, celui qui est présent durant le mois de Ramadan, et c'est le verset qui va faire l'abrogation, et qui va rendre le jeûne obligatoire. Hein? Ceci a été annoncé par les deux nobles compagnons, Abdullah ibn Omar, ainsi que Salam ibn al-Aqwa. Le hadith d'Abdullah ibn Omar a été rapporté par l'imam Bukhari. Le hadith de Salam ibn al-Aqwa a été rapporté par l'imam Muslim ou l'imam Bukhari. Et ils ont bien précisé que ça y est, hein, فَمَنْ شَهِدَ مِكُمُ الْصَّرَ أَبْغُزَ. Les autres versets. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لمواد رمضان durant lequel le Coran est descendu comme guidé, comme clairissement, comme discernement. Et il est arrivé le verset, celui qui est présent durant le mois de Ramadan qu'il jeûne. Hein? Abu Layla, comme le rapporte l'imam Bukhari, rahimahullah, il a dit, les nobles compagnons du prophète, alayhi salam, nous ont annoncé que Ramadan a été difficile pour eux. Et que celui qui ne jeûnait pas nourrissait un mendiant pour chaque jour qu'il ne jeûne pas. Et il délaissait le jeûne. Et ceci leur a été autorisé. Et ceci a été abrogé par le verset. Et que vous jeûniez, c'est mieux pour vous si vous savez. فأصبح صوم رمضان بعدها ركيزة من ركائز الإسلام وركنا من أركان الدين لقول الرحمة المهداة بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه فالنسخ ثابت للآية وعلى الذين يطيقونه، ويخصص منها الشيخ والعجوز والحامل والمرضع الخائفتان على نفسيهما أو ولديهما. Donc après le verset, la descente du verset que vous jeûnez c'est mieux pour vous, il est arrivé quoi? Le jeûne est devenu obligatoire. Il est devenu un des piliers de l'islam, un des cinq piliers de l'islam, comme celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes a dit, l'islam est basé sur cinq piliers. L'attestation de foi n'est digne d'être adorée qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée, le jeûne du mois de Ramadan. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. L'abrogation est confirmée pour ceux qui ne le peuvent pas. Toujours, le verset les concerne. Hein? Donc, le verset n'a pas été abrogé complètement. Une partie du verset qui concerne certains individus a été abrogée. Ceux qui le peuvent. Mais les individus qui ne peuvent pas, le verset n'a pas été abrogé pour eux. Il reste toujours mis en application. Les personnes âgées, les malades dont la maladie est chronique, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent quand ils ont peur pour elles-mêmes et pour leurs enfants. وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ لَهَا الْفِدْيَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ وَسَبَبُ هَذَا الْاخْتِلَافِ هُوَ أَنَّ الَّذِينَ جَعَلُوا عَلَيْهَا الْقَضَاءَ قاسوها على المريض وعلى العجوز، قاسوها على المريض الذي يرجى برؤه، فأعطوها حكم هذا المريض وقالوا عليها القضاء، والمخالفون لهم قالوا إن الحامل والمرضع من حيث النظر في النصوص أقرب إلى الصواب أن تفدي، لماذا؟ عن مالك إمام دار الهجرة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، وهذه يسميها العلماء السلسلة الذهبية، مالك عبد الله بن نافع عبد الله بن عمر، عن مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا من حنطة مدا من حنطة. قال أهل العلم هذا الآن يكون بكيلو ونصف من أي طعام من ما يأكل الناس في بلدهم. وروى الدارقطني عن ابن عمر وصححه أنه قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. ورواه من طريق آخر أن امرأته من؟ امرأة من؟ عبد الله بن عمر. أن امرأته سألته وهي حبلى فقال افطري واطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وهذا صحابي مثال في الاتباع لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في قمة الأمثلة، أمثلة الرجال الذين يتبعون المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن طريق ثالث عنه أين عن عبد الله بن عمر أن بنتا له كانت تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال أنت من الذين لا يطيقون، عليك الجزاء أي عليك الفدية وليس عليك القضاء. رواه الدارقطني بإسناد صححه رحمه الله تعالى. يو كان دو تخيرون الله سبحانه وتعالى que les hommes de science ont divergé sur le statut de la femme qui allait et de la femme enceinte. Il y a certains qui lui ont donné la compensation. Il ne jeûne pas, il compense la nourriture d'un mendiant pour chaque jour qu'il n'aura pas jeûné. D'autres ont dit, non, il est obligatoire pour elle de rattraper. C'est quoi la cause de la divergence? La cause de la divergence, c'est que ceux qui ont dit qu'il est obligatoire pour elle de rattraper l'ont comparé aux malades, dont la maladie est curable. Hein? Les autres l'ont comparé à ceux qui ne le peuvent pas. Et ceux qui l'ont comparé à ceux qui ne le peuvent pas, leur vision sur le texte est beaucoup plus proche des preuves. Il est plus proche des preuves des deux positions. Pourquoi? Parce que ceux-là ont dit que la femme qui allait et qui enceinte, il est dans le même cas que les personnes qui ne peuvent pas jeûner, qui sont les personnes âgées ou ceux qui sont atteints d'une maladie incurable. Et à la tête de cela, deux nobles compagnons, Ridwanullah alayhim. Et il n'y a aucun divergent parmi les compagnons avec eux. Personne n'a divergé avec eux. Qui sont Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas. Et tu as imaginé, selon Malik, l'imam Malik, rahimahullah, qui dit, selon Malik, qui rapporte de Nafi', qui était le serviteur d'Abdullah ibn Omar, qui dit qu'Abdullah ibn Omar, on lui a posé la question sur la femme enceinte, s'il a peur pour son enfant, il a dit, il rompt le jeûne, il ne jeûne pas, il nourrit pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné, un mendiant. Qui a dit ça? Abdullah ibn Omar. Hein? Le summum du suivi du messager alayhi salatu wassalam. Daraqutni rapporte qu'Abdullah ibn Omar lui-même, et Daraqutni authentifie ses tatars, qu'Abdullah ibn Omar lui-même a dit, celle qui allait, la femme enceinte et la femme qui allait, ne jeûne pas, il ne rattrape pas. S'il ne jeûne pas, il ne rattrape pas. Hein? Et Daraqutni de rapporter d'une autre voix que la femme d'Abdullah ibn Omar lui a posé la question alors qu'elle était enceinte. Il lui a dit, rompe ton jeûne, ne jeûne pas, et pour chaque jour, tu nourris un mendiant. Et tu n'as pas à rattraper. La parole de qui celle-là? La parole d'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu arda. Une troisième voix, toujours cette Daraqutni, une fille d'Abdullah ibn Omar, qui était mariée à un homme parmi les Quraychites. Et il était enceinte, et il avait soif, pendant le mois de Ramadan. Abdullah ibn Omar lui a donné l'ordre de rompre son jeûne. Et pour chaque jour qu'il n'aura pas jeûné, de compenser par la nourriture d'un mendiant. Abdullah ibn Abbas, et selon Abdullah ibn Abbas, toujours chez Daraqutni rahimahullah, avec une chaîne de transmission que Daraqutni a authentifiée, Abdullah ibn Abbas a vu la femme de l'un de ses enfants enceinte ou en train d'allaiter. Il lui a dit, toi, tu fais partie de ceux qui ne peuvent pas le jeûne. Toi, tu fais partie de ceux qui ne peuvent pas le jeûne. Et tu n'as que la compensation à faire. Que la compensation, c'est-à-dire nourrir un pauvre par jour. Et tu n'as pas à rattraper. وعن أنس بن مالك الكعبي وهذا غير أنس الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير أنس الأنصاري خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قال غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال أدن فكل فقلت إني صائم فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما. إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم والصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما. فيا له فنفسي ألا أكون طعمت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وسنده حسن كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. إليان تخوازي ماتار أنس بن مالك الكعبي يسني با أنس كيتي الأنصار كيتي والسيرفيس دو بروفيت عليه الصلاة والسلام. إلى دي كو لارمي du prophète alayhi salam les a envoyés. C'est-à-dire que c'était une ghazwa. Et il a dit, je suis venu vers le prophète, le messager d'Allah, et je l'ai trouvé en train de manger. Et il lui a dit, approche-toi, mange. Le prophète a dit à Anas Hada, radiyallahu anhu arda, approche-toi, mange. Il lui a dit, je suis en état de jeûne. Il lui a dit, alors, approche-toi, je vais te parler du jeûne. Il a dit, Allah, tabaraka wa ta'ala, a dispensé le voyageur du jeûne, et il l'a dispensé de la moitié de la prière. C'est-à-dire, les quatre, ceux qui sont quatre, ils sont deux, et ainsi de suite. Le Maghreb, il reste trois, et il a dispensé le hamil, celle qui allait, celle qui est enceinte du jeûne. Hein? Et il a dit, il jure, le compagnon, il jure. Il dit, par Allah, le prophète d'Allah les a dites toutes les deux, ou l'une d'elles. Et il a dit, hélas, j'ai pas mangé du repas du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a regretté d'avoir pas mangé du repas du prophète, alayhi salatu wassalam. Hein? On voit que là, nous avons deux nobles compagnons, duquel Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, et d'autres avant lui, parmi les anciens hommes de science, ont pris le fait que la femme enceinte, hein, et la femme qui allait, quand ils ont peur pour elles-mêmes, ou pour leur nourrisson, pour elles-mêmes ou pour leur enfant, ils n'ont pas à jeûner, et ils ont tout simplement la compensation à donner. Les autres, ils ont fait la comparaison avec quoi? Avec le malade. Avec le malade. Et on arrête ça, inshallah, pour aujourd'hui. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa salli mubarak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Jazakumullahu khairan.